Un spliff m'enfume, je repense au passé, aux choses bien que j'ai fait, tout le sale qui m'attachait, tous mes trésors qu'on m'a arrachés. Je suis posé au bloc, des mégas le savent. Colonne vertébrale collée au ciment, je suis le gardien de mes bâtiments. Ma réflexion me pousse à le quitter, je pousse le zol espérant prier. J'implore le tout puissant qu'il guide mes refrains. Rêve d'un horizon bord de la mer, pour l'instant j'ai le béton bord de la mer. Ma vie de section, j'en suis fier. C'est vrai, je cogite en bas du bas de patte. Je ressasse les moments passés, ce que je peux faire, têtu jusqu'au jour où je verrai la lumière. Je me projette au loin, peut-être j'arriverai bas au moins. J'aurais tenté, j'ai pris mes couilles, je les ai posées. Y'a du talent, j'ai bossé, personne pourra le nier. Sans ma musique, aucun combat gagne. Elle m'apaise les nerfs, m'empêche de fléchir. Je repense à la douleur de mes ancêtres, ça fait réfléchir. C'est juste un air pensif, un air sensible. Un air coincé entre le stylo et la feuille, j'hésite pas. J'ai laissé des plumes, je le sais ça. Je suis qu'un artiste qui lève sa plume pour les gens d'en bas. C'est juste un air pensif, un air sensible. Un air coincé entre le stylo et la feuille, j'hésite pas. J'ai laissé des plumes, je le sais ça. Je suis qu'un artiste qui lève sa plume pour les gens d'en bas. Je me vide, je m'évade, je rêve, je plane dans cette fumée épaisse. Chaque taf tiré, je survole ma jeunesse. Je crois bien qu'on est tous faits. Mes yeux sont rouges, j'ai jamais prétendu être l'homme parfait. J'ai mis des coups de vis, j'en ai vu, j'en ai vécu. On pratique l'art du terrain, on est conditionné pour être malin. On lève la patte, pisse partout comme des sales kleps. On passe de ville en ville, on voit du pays, on check des vies. On montre qu'on a des tripes, on lève les défis. Parfois ça arrive qu'on s'embrouille entre nous. C'est ce nerf pensif qui nous rend fous. Que serons-nous demain? Peut-être la même qu'hier. Peut-être t'empocheras le million sur une grosse affaire. Peut-être tu te feras fumer sur une petite affaire. J'ai ce nerf pensif, les nerfs sensibles. L'écriture illisible, le cursus de l'incorrigible. La mélancolie des enfants terribles. C'est juste un nerf pensif, un nerf sensible. Un nerf coincé entre le stylo et la feuille, j'hésite pas. J'ai laissé des plumes, je le sais ça. Je suis qu'un artiste qui lève sa plume pour les gens d'en bas. C'est juste un air pensif, un air sensible. Un air coincé entre le stylo et la feuille, j'hésite pas. J'ai laissé des plumes, je le sais ça. Je suis qu'un artiste qui lève sa plume pour les gens d'en bas. Chaque soir c'est le même scénar. On regarde les étoiles, on se demande ce qu'on sera plus tard. On veut pas finir couché sur le même banc 10 ans plus tard. Disons qu'à la bonne époque, on était jeunes et fougueux sans limite. Jeunes et fougueux sans limite. Ma mémoire flancha, grattée toute la night. Mes cordes vocales font nuit blancha, se noyer dans le sky. Au fond de nous, ce qu'on éprouve, on en fait nos preuves. J'ai l'espoir de mon hall sur les épaules. Les souvenirs que je retrouve sont les faiblesses, les pertes de contrôle. On affronte les épreuves à tour de rôle. Ma nostalgie n'est pas jouée, encore moins tirée d'un rôle. La résine, un sale vice. Laissez-moi, je m'envole. J'ai pas la conscience de dire que je porte l'eau. Juste un humain avec ses failles, de la douleur à vitaille. Mettez-vous plein phare, je suis de ces gosses perdus dans la grisaille. Ne regrettons pas le passé, les erreurs, les excès. Seuls les souvenirs restent dans un passé. C'est juste un air pensif, un air sensible. Un air coincé entre le stylo et la feuille, j'hésite pas. J'ai laissé des plumes, je le sais ça. Je suis qu'un artiste qui lève sa plume pour les gens d'en bas. C'est juste un air pensif, un air sensible. Un air coincé entre le stylo et la feuille, j'hésite pas. J'ai laissé des plumes, je le sais ça. Je suis qu'un artiste qui lève sa plume pour les gens d'en bas.